Lyrical. Est-ce que c'est bon? Est-ce que les vieilles oreilles confirment? Est-ce que les oreilles bouchées confirment? Oh. Ah non, moi je m'inclus dans les oreilles bouchées. Je commence à être un peu vieille aussi. Alors, salut, petit troupeau. Ce matin, pour essayer de capter un peu votre attention, je vais faire référence encore une fois à votre bagage cinématographique. Vous avez sûrement déjà vu des films, tout un tas de films peut-être même, où on exploite une situation là où faut se grouiller, faut se dépêcher. Là. Pensez à Indiana Jones, quand la porte va se fermer puis il a juste le temps de ramener son chapeau. Là. Il fallait se grouiller. Des fois, il faut se grouiller à bouger, c'est tout de suite. Puis l'inverse est aussi exploité. Hein. Des fois, c'est « bouge pas hein. ». Une grosse araignée la plus venimeuse de l'univers ou la vipère la plus venimeuse de l'univers qui est sur le personnage, là, puis « bouge pas ». Ouais, facile à dire. Des fois, on a envie de bouger. Ben, c'est un petit peu ça qu'on va voir ce matin. Un petit peu. C'est la seule connexion que j'ai pu trouver en 2 minutes. Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières semaines? On a vu, je ne sais pas pour vous, moi, j'y étais pas il y a 2 semaines, là, mais... c'était M. Rousseau aussi qui enseignait. Je peux même pas vous dire comment il a tourné ça. J'ai même pas eu le temps de voir ça avec lui. Par contre, la semaine dernière, j'y étais avec Guillaume. Comment il l'a intitulé? « Soyez reconnaissants et célébrez Dieu ». On parlait de la Pâque et particulièrement du cas de la Pâque où on célèbre à retardement pour cause d'impuretés rituelles ou de voyage. Et là, on est dans la suite toujours. Nombre 9. On est dans une séquence là, dans Nombre où tout est pas mal harmonieux depuis le début. Mais ça va changer dans les prochains chapitres. Ça va changer. Là, on arrive à la fin de cette séquence harmonieuse, si on peut dire. Nombre 9. Verset 15 à 23. Nombre 9, 15 à 23. Je commence. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente du témoignage. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'aspect d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée le couvrait, et de nuit, elle avait l'aspect d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les Israélites partaient, et dans le lieu où demeurait la nuée, les Israélites campaient. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites observaient le commandement de l'Éternel et ne partaient pas. S'il arrivait que la nuée soit peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et partaient sur l'ordre de l'Éternel. S'il arrivait que la nuée y soit du soir au matin et que la nuée s'élève le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les Israélites campaient et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils observaient le commandement de l'Éternel selon l'ordre que l'Éternel donnait à Moïse. Bon, il y a comme une petite répétition ici, bien subtile, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est moi ici là, qui usais d'un peu d'ironie. Puis ça va être pas mal ça aussi, le sens du message. Je pense que je ne tordrai pas le texte. Sur l'ordre de l'Éternel. Au signal, hein, littéralement, sur la bouche de l'Éternel. Au signal de l'Éternel. Ce matin, ce que je propose ici dans le sens, ce que je veux faire valoir, c'est que nous aussi, aujourd'hui, nous devons cheminer exclusivement aux ordres de l'Éternel. Nous aussi, aujourd'hui, on doit, en québécois, on doit cheminer aux ordres de l'Éternel exclusivement. Et on va examiner trois prérequis pour cheminer aux ordres de l'Éternel. Le premier, c'est croire aux ordres de l'Éternel. Le deuxième, c'est agir selon les ordres de l'Éternel. Le troisième, c'est attendre les ordres de l'Éternel. OK. Parlons du premier prérequis pour cheminer exclusivement aux ordres de l'Éternel aujourd'hui. Premier prérequis, croire aux ordres de l'Éternel. OK. Parlons un peu de la nuée pour commencer. La nuée ici, ce n'est pas le même spectacle effrayant qu'ils ont eu sur le mont Sinaï. La montagne embrasée, tremblement de terre, qui leur a fait demander que Dieu ne s'adresse plus à eux directement. Ce n'est pas ça ici. Ça ici, c'est la nuée qui est là, en fait, depuis le passage de la mer des joncs. C'est là qu'elle est évoquée la première fois. Et elle n'a pas cessé d'être là. Mais on en apprend un petit peu plus sur comment elle opère ici. Oui, on savait déjà qu'elle conduisait, on savait déjà qu'elle avait l'aspect d'une colonne de nuages le jour et l'aspect d'un feu la nuit. On sait aussi, au passage de la mer des joncs, que cette nuée-là n'est pas juste quelque chose de visible, c'est aussi quelque chose d'actif qui a semé le désordre dans l'armée égyptienne, qui a retardé la progression de l'armée égyptienne. C'est une nuée protectrice. Donc, ce n'est pas le même spectacle, je répète, que sur le mont Sinaï. Mais en même temps, cette nuée-là permet à Dieu de... On va dire des fois que l'Éternel va descendre dans la nuée pour s'adresser à Moïse ou à d'autres. Elle protège aussi le peuple de la présence parfaitement sainte de l'Éternel qui est mortelle pour le peuple, pour quiconque dans le peuple, Moïse y compris. Alors, la question c'est aujourd'hui, comment peut-on suivre cette nuée, ce qui tient lieu d'équivalent, si on n'y croit pas? Et comment est-ce qu'on peut discerner quelque chose à quoi on ne croit pas? Comment est-ce qu'on peut suivre quelque chose qu'on ne croit pas? Comment est-ce qu'on peut discerner quelque chose qu'on ne croit pas? Alors, c'est quoi, ici, croire? C'est d'abord croire Dieu. Il n'y a pas de nuée si on ne croit pas Dieu. Est-ce que tu le cherches, Dieu? parce qu'il te faut croire obligatoirement ce qu'il dit. Est-ce que tu veux lui être agréable? Les Écritures nous disent que si on veut s'approcher de Dieu, lui être agréable, il faut croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense ceux qu'il cherche. Hébreux 11:6. Qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense, il bénit ceux qui le cherchent. Et la récompense de Dieu, la récompense suprême de Dieu, elle a un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu. Et c'est lui le passage obligé pour qu'il y ait une nuée dans ta vie qui puisse te conduire et te protéger. Sinon, tout ce qui va te guider dans ta vie, ça va être tes propres convoitises et les ruses du diable. Donc, croire Dieu. Croire Dieu ce qu'il dit. Mais même quand on a établi ça, ça ne signifie pas qu'on croit automatiquement que Dieu nous guide. Et même que c'est souvent là où ça achoppe dans la vie des enfants de Dieu. Ah, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on le croit? Aujourd'hui, on ne voit plus de nuées physiques dans notre vie. On ne voit plus ça une colonne de nuages. Ce n'est pas comme ça qu'on va voir Dieu qui nous guide. Alors, comment va-t-on discerner les signaux, les ordres de Dieu aujourd'hui? Hein? Avez-vous déjà entendu ça ou avez-vous déjà dit ça vous-même? J'ai demandé à Dieu. J'ai demandé quoi faire. Je n'ai pas eu de réponse. En tout cas, moi, je l'ai déjà entendu. Avant de pouvoir discerner, il faut croire. Il faut croire simplement. Ce que Dieu nous dit dans Romains 8, il va nous dire, je vais aller lire. Romains 8, 31, B. B, ça veut dire la deuxième moitié. Ben, tiens, je vais le rallonger, je vais lire 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, qui a donné son Fils unique, Jésus, en victime expiatoire. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Si Dieu a été jusqu'à donner son propre Fils, va-t-il faire marche arrière et refuser de nous donner les signaux, les ordres, le guidage dont on a besoin? Et est-ce qu'il le fait dans chacune de nos vies? Est-ce que je crois que c'est vrai aussi dans ma vie? Humainement, là, il y a un dicton qui dit qu'on trouve ce qu'on cherche. Hein? Et il y a du vrai là-dedans. Vous allez voir ça dans des conclusions scientifiques. On dirait qu'ils ont trouvé exactement ce qu'ils cherchaient au départ, bien qu'on prétende être objectif et neutre. On a pourtant des fois l'impression qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Et c'est vrai dans la vie de bien des individus, non? Alors nous, on est aussi bien de chercher par la foi. Et on va trouver aussi quelque chose. Aussi bien chercher par la foi dans les paroles de celui qui n'a jamais menti. Pensez-y, c'est le seul à n'avoir jamais menti. L'Éternel. Alors on trouve ce qu'on cherche, et je dirais ici ce qu'on cherche, ce qu'on croit. Nous trouvons ce que nous croyons. Et c'est le nerf de cette guerre-là. Est-ce qu'on croit vraiment aux ordres que Dieu donne encore aujourd'hui dans nos propres vies? Est-ce qu'on croit ça, qu'il donne des ordres dans nos propres vies, qu'on peut interpréter, qu'on peut discerner, interpréter, comprendre et obéir? Mais comment les discerner? Comment les discerner? Là, je veux bien croire là, qui m'aime, qui veut me conduire, mais comment je discerne ce qu'il dit? Est-ce que je dois aller à gauche, à droite, monter, descendre? Est-ce que je dois avancer, reculer, stopper? Est-ce que je dois courir, aller lentement? Et qu'est-ce que dit l'Écriture? Comment Dieu nous guide? Aujourd'hui, l'Écriture nous dit que Dieu nous guide par son conseil. C'est dans Psaume 73. Psaume 73, 24. Et il y a trois canaux pour ce conseil-là. Trois canaux. Son esprit, c'est le sceau de chaque enfant de Dieu. C'est une promesse. L'Esprit de Dieu vit dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a mis sa confiance dans le Seigneur Jésus. Il y a sa parole. En fait, avant de passer au... Je reviens au sujet de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est un canal, mais on peut ne pas en être rempli, et on peut en être rempli. Et si vous voulez discerner les ordres de l'Éternel, c'est en étant rempli de l'Esprit Saint. Éphésiens, c'est dans Éphésiens 5, 16 à 18. Je vous le lis, j'espère, rapidement. Éphésiens 5, 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, stupide. Ne soyez pas stupide. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est cette volonté? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Le deuxième canal, la parole, en la méditant jour et nuit, comme nous dit le psaume premier. En la méditant jour et nuit. Et c'est pour la pratiquer. La méditer jour et nuit pour la pratiquer et non pas me borner à l'écouter et à raisonner pour ne pas la mettre en pratique. Jacques 1. Et comment vais-je la méditer jour et nuit si je n'investis pas un peu de temps pour le faire? Comment est-ce que ça va continuer d'alimenter mes pensées, même dans mon sommeil, si je ne m'en nourris pas, si je ne cherche pas toutes les occasions de l'approfondir? Troisième canal, l'Église. Vive l'Église avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça, c'est 2 Timothée, la référence de ça, c'est 2 Timothée 2, 22. Recherchez la foi, la justice, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça vient après, fuit les passions de la jeunesse aussi. Et les trois canaux sont d'accord. L'Esprit, la parole et vive l'Église. Parce que vous ne vivrez pas la parole en dehors de l'Église, ce n'est pas vrai. Le commandement nouveau en dehors de l'Église, oubliez ça. Alors, on cherche à discerner les ordres de l'Éternel, hein? On doit y croire, on doit les discerner, mais attention aux faux prophètes. Des fois, on se rue sur ce qu'on interprète comme étant une porte ouverte de la part de l'Éternel pour agir. Mais bien souvent, la porte ouverte, c'est celle de notre propre convoitise. Si c'est nos convoitises que nous cherchons, eh bien, on va les trouver tôt ou tard. Et on va trouver, peut-être même dans l'Église, je dis peut-être gentiment ici, un conseiller qui va nous donner sa bénédiction pour marcher dans cette voie-là. Parce que tout le monde n'est pas nécessairement un bon conseiller. Je veux rechercher ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Est-ce qu'on veut vraiment discerner et suivre la nuée? Et est-ce qu'on prie avec ferveur dans ce sens-là? Peut-être que la réponse ne sera pas immédiate, hein? Mais est-ce que j'y crois à la réponse? Et l'attente pourrait être désagréable. Ça, c'était le premier prérequis pour marcher aujourd'hui exclusivement aux ordres de l'Éternel. Le deuxième prérequis, c'est agir selon les ordres de l'Éternel. Mais vous allez me dire, ça va de soi, hein? Non, pas nécessairement. On peut avoir entendu clairement, avoir discerné clairement l'ordre de l'Éternel pour notre vie et quand même refuser de s'y soumettre et achoper là-dessus. Je fais juste essayer de rappeler à la mémoire des jeunes pendant le camp, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui a partagé quelque chose comme ça dans les 3 témoignages. Souvenez-vous. J'ai pas inventé ça. Et probablement qu'on en a d'autres exemples dans nos vies, hein. On peut très bien dire, regarde, c'est vrai, le Seigneur a répondu, je l'ai prié, il a répondu, et maintenant, la réponse m'embarrasse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, agir selon les ordres de l'Éternel? On va laisser les Écritures l'illustrer, OK? Comment ça se traduit dans la vraie vie? On pourrait prendre l'exemple de Christ. Parce qu'il a exécuté tous les jours ici, de sa vie sur terre ici, il a exécuté parfaitement la volonté, les ordres de son Père. Qu'il a même qualifié de sa nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais puisque ça paraît inatteignable, on va utiliser des hommes de la même nature que nous. Ici, j'exagère parce que Christ est aussi entièrement un homme, pas seulement entièrement Dieu. Mais prenons d'autres exemples pour l'instant. Philippe et l'eunuque éthiopien. Là, je ne vous amène pas dans le passage, je vais y aller de mémoire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va lui dire? Il va lui dire, va sur le chemin de, je pense, c'est Gaza, qui est désert. Va là. Explication, zéro. Voilà. Et Philippe, bien sûr, qui est riche à craquer, qui cherche quoi faire de ses journées, était bien content de se désennuyer un petit peu. Non, Philippe, il est un homme de la même nature que nous. Il a aussi une vie. Puis là, ben, il a dû suspendre, peu importe quels étaient ses projets à lui, et obéir à l'Éternel. Et il a obéi. Est-ce que le timing est important? Le chronométrage de l'obéissance ici était-il important? Oui, parce que l'Esprit l'amenait à rencontrer un convoi sur cette route-là, celui de l'eunuque éthiopien. Et si Philippe ne le rencontrait pas, ben l'Évangile ne s'en allait pas en Éthiopie. Pierre chez Corneille, acte 10. En passant, si vous voulez l'histoire de Philippe, l'eunuque, c'est acte 8, 26 et suivant. Pour Pierre et Corneille, c'est acte 10. Pierre, juif, élevé dans les traditions juives depuis sa naissance, et qu'est-ce que Dieu lui demande? Alors, Dieu commence par lui montrer une vision, de tous les animaux impurs que les Juifs n'ont pas le droit de manger. Et puis, Dieu lui dit, « Tue et mange. » Et Pierre, hein, « Jamais rien d'impur est entré dans ma bouche. Mettez-vous à sa place. » Toute sa vie, ça a été comme ça, et c'est pas juste une simple habitude. C'est aussi ça vient de l'Éternel, ça, pour les Juifs, là. Et là, il doit en changer sur l'ordre de l'Éternel. Est-ce que ça a été facile pour lui? Il doit ensuite, il est envoyé par Dieu chez un païen. Les Juifs n'entrent pas chez les païens. Parce que pour eux, c'est se souiller. C'est entrer dans un monde d'impureté. Et c'est ce que Pierre a fait. Est-ce que ça devait être agréable pour lui? Non. Puis, souvenez-vous du scandale que ça a fait quand l'Église de Jérusalem a appris ça. T'es allé manger chez un païen. Puis ils ont été baptisés. Ça n'a pas dû être plus facile pour Pierre. Mais, exemple d'obéissance ici. Ananias, pas Saphira, Ananias, l'Ananias, celui qui a dû parler à Saul de Tarse. Saul de Tarse qui est l'apôtre Paul. Est-ce que, je vous rappelle un peu l'histoire, Paul est un persécuteur de l'Église, hyper zélé, hyper efficace, pour utiliser des termes à la sauce d'aujourd'hui. Il a une réputation, et là, il s'en va faire du ravage à Damas. Mais ce n'est pas le plan que le Seigneur avait pour Saul. Et là, Saul est arrêté dans sa course, rencontre le Seigneur, une vision qui ne l'a pas laissé indifférent. Il en sort aveugle. Et il est conduit à Damas. Et là, Ananias, qui est à Damas, reçoit l'ordre du Seigneur d'aller parler à Paul, à Saul, à ce moment-là. Est-ce qu'Ananias n'aimait pas la vie? Il l'aimait moins que nous? Il la risquait sans que ça lui fasse rien? Non, Ananias, un homme de la même nature que nous, a dû mettre sa vie dans la balance. Et est-ce qu'il a tardé à le faire? Ah, Seigneur, tu sais les ravages qu'il a fait, hein? Mais il y est allé. Est-ce qu'il aurait pu retarder son obéissance? Paul qui est là, à jeûner, aveugle et qui attend la visite d'Ananias. Est-ce qu'ils auraient pu obéir s'ils n'avaient pas été prêts à obéir avant même de recevoir l'ordre? Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Étaient-ils prêts avant de recevoir l'ordre? C'est ça ma question. J'y réponds pas tout de suite. Je donne un dernier exemple. Paul, des années et des années plus tard, il doit remonter vers Jérusalem. Et l'Esprit-Saint, sans lui donner beaucoup de détails, lui dit qu'il va finir prisonnier à Jérusalem. Et ça, c'est des tribulations, beaucoup de tribulations. Et en réalité, ça va durer plusieurs années, cet emprisonnement-là. Et Paul, il sait c'est quoi être maltraité. Il n'est pas du tout ignorant de ce que ça peut comporter. Est-ce que vous pensez qu'il en a envie, qu'il s'est habitué et qu'il est rendu indifférent à la souffrance? Mais l'Esprit-Saint l'amène à Jérusalem. Et il va être averti à plusieurs étapes dans son retour sur Jérusalem. Plusieurs fois, des frères vont pleurer à cause de ce qui va suivre. Ça, c'est obéir à la nuit, quand elle se lève et qu'elle bouge. Mais là, on pourrait dire, ouais, mais tu sais, eux autres, là, il y avait des visions, des anges leur parlaient. C'était clair, c'était imposant. Nous aussi, on aurait obéi dans ces conditions-là. Ah oui? Ah oui? Souvenez-vous de la réponse qu'Abraham va faire au mauvais riche, dont on ne connaît pas le nom, on dit le mauvais riche, là, mais le riche, dans le séjour des morts. Le riche, dans le séjour des morts, souffre cruellement dans une flamme, une sorte de flamme, et va demander à Abraham, qui est dans l'autre côté du séjour des morts, dans une partie où on ne souffre pas, va demander, « Père Abraham, envoie quelqu'un du séjour des morts vers mes frères, là, qui sont encore vivants, eux. Va les faire prévenir pour qu'ils finissent pas là où moi j'ai fini. » Et qu'est-ce qu'Abraham répond? Ben, ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent. Elle a le riche de répondre, mais si quelqu'un des morts vient les voir, ils vont se repentir. Abraham répond à ça. Non. Quand bien même quelqu'un du séjour des morts va les voir, ça ne va rien changer de plus. S'ils n'ont pas écouté la loi et les prophètes, ils n'écouteront pas quelqu'un du séjour des morts. Alors la question n'est pas ici de comment on reçoit l'ordre. La question est de qu'est-ce qu'on fait avec. Dans quelle disposition on est. Alors, il n'y a pas de nuée dans nos vies, de nuée qui nous guide et qui nous protège et qui nous donne les signaux dont on a besoin. Il n'y a pas de nuée dans notre vie sans croire. Il n'y a pas d'obéissance sans discerner les ordres. Il n'y a pas de bénédiction sans obéissance. Alors, la c'est « Seigneur, envoie-moi », un peu comme Ésaïe chapitre 6, quand il a la vision du Seigneur dans le temple. Il répond, « Me voici, envoie-moi. » Pourtant, ce n'est pas facile. Au moins 400. Ouais. Et lui seul. Selon les ordres de l'Éternel, je vais répéter encore la proposition. Troisième prérequis pour... remarquable dans les situations qui demandent d'attendre plutôt que d'agir. Quelques exemples dans les Écritures. Cette fois-ci, on va serviteur d'une de ses créatures. Il n'a pas cessé d'être Dieu. Une foule. Du jamais vu dans l'histoire. Du jamais vu. Il n'y a pas de prophète avant lui qui a fait une chose semblable. C'est une attestation qu'il est le Fils de Dieu, le Messie promis. Jean 6. 14. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Le prophète, hein? Celui qui est annoncé dès le Pentateuch. Moïse va dire, hein? Un jour, il va avoir un prophète comme moi. Écoutez-le. C'est lui le prophète qui vient dans le monde. Verset 15. « Jésus, sachant qu'ils allaient venir, l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Pourtant, c'est tout à fait légitime. Il n'est pas usurpateur. Mais ça n'est pas le moment. Il attend. Le moment marqué, ça n'est pas lui. Il attend. Un autre exemple dans la vie de Jésus, Jean 11. Jean 11. Il y avait un, verset 1, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Ce sont des amis de Jésus, pas seulement des noms. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Ils aiment le Seigneur. Ils envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus n'est pas sur les lieux à ce moment-là. Ils ont envoyé un messager. Ils se sont tournés vers la bonne personne. Qui de mieux? Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est mort. On connaît l'histoire, la plupart d'entre nous, je le sais. Ici, c'était pas le moment de bouger. OK, vous allez me dire, c'est juste 2 jours. Hein? Ici, c'était pas le moment de bouger. Oui. Marthe et Marie, et probablement d'autres aussi, ont dû vivre le deuil de la mort de leur frère. Pas toujours évident quand notre attente cause des peines à d'autres. Mais ce n'était pas le moment, ce n'était pas l'ordre de l'Éternel. La nuée ne s'était pas levée pour cette opération-là, événement-là dans la vie de Jésus. Encore dans la vie de Jésus, Matthieu 26, 53. En fait, 51, hein, on va commencer à 51. Un de ceux qui étaient avec Jésus, et on le sait c'est qui, c'est Pierre, étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Je ne pense pas que 12 légions d'anges soient nécessaires. Je pense qu'un seul ange ferait l'affaire. Mais 12 légions, ça me donne une petite idée qu'il y a les moyens. Et qu'est-ce qu'il écoute? Il dit, là, maintenant, si je les demande, mon Père va me les donner. Il ne va pas dire, voyons, qu'est-ce que tu fais? Il va me les donner si je les demande là. Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je vais passer par là où je dois passer alors que j'ai façon d'éviter ça, que j'ai une porte de sortie? Jésus ici attend le bon moment. Ce n'est pas encore le moment pour lui de paraître en gloire. Il doit mourir. OK, mais lui savait tout d'avance. Nous aussi, on connaît la destination finale en passant. Je ne connais peut-être pas les étapes, là où je vais devoir établir mon campement et là d'où je vais devoir partir. Mais je connais la destination finale. Attention à cet argument-là. OK. Enfin, on pourrait encore rajouter à ça, quand Jésus est maintenant sur la croix, quelques heures plus tard, et que les foules, on pourrait même dire le diable à travers les foules, vont venir le tenter pour lui dire, « Descends de ta croix, si t'es fils de Dieu, descends de ta croix, descends de la croix. » Et Jésus ne descend pas. Encore une fois, c'est pas par incapacité. OK. Alors, ça, c'est le troisième prérequis, attendre selon les ordres de l'Éternel. Les deux premiers, c'était croire les ordres de l'Éternel. Le deuxième, c'est agir selon les ordres de l'Éternel et attendre selon les ordres de l'Éternel. OK. Des fois, on se sent bousculé. Hein? On connaît une succession de marches rapides, d'étapes, de campements, décampements, et on est essoufflé, on voudrait que ça ralentisse. Des fois, c'est comme ça. On voudrait souffler un peu. Mais à d'autres moments, c'est le signal qu'on trouve qui n'arrive pas assez vite. Puis quand il arrive, bien, la direction puis la destination ne font pas nécessairement notre affaire non plus. Mais il y a quand même une différence ici principale entre les applications que j'ai faites puis le passage d'où on est parti, nombre 9. Avez-vous remarqué c'est quoi la différence? J'en ai fait des applications individuelles seulement. Alors que dans nombre 9, c'est un peuple entier qui doit obéir aux ordres avec exactitude. C'est un peuple entier qui doit dresser le tabernacle à chaque fois que la nuée s'arrête, ne serait-ce que pour un jour. Et il doit le faire non pas dans le désordre. Imaginez 2 millions de personnes se déplacer. La file est longue. Mais ils doivent le faire par corps d'armée, dans la bonne séquence, monter, démonter le tabernacle, sans aucune espèce de considération pour leur convenance, là, ce qui leur convient. Puis des fois, ils vont rester longtemps dans un endroit qui n'est peut-être pas intéressant, à côté de l'autoroute. Non, je dis n'importe quoi, là, mais c'est-tu agréable à côté d'une autoroute? Mais comment on applique ça à nous collectivement aujourd'hui? Parce que la plupart des commentateurs l'appliquent qu'individuellement. Ils vont traduire la nuée, qui est la présence glorieuse de Dieu, comme étant l'Esprit Saint dans le cœur de chaque croyant. Et c'est vrai. Mais l'Écriture dit aussi, « Là où deux sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il y a aussi cette présence-là dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Est-ce que nous aussi, ensemble, on n'est pas en cheminement dans un désert vers une terre promise? Et oui, on est dans tout un désert. Un endroit pas facile, hostile. Si le Seigneur ne nous soutient pas, il ne nous protège pas, il ne nous conduit pas, ben on est mort. Mais on ne veut pas retourner là d'où on vient. L'Égypte, l'esclavage du péché. Mais comment donc on peut se laisser diriger? Je repose la question, comment est-ce qu'on peut se laisser diriger collectivement par Dieu? C'est en investissant le temps et l'énergie nécessaires pour apprendre à marcher d'un même pas et à être d'accord. Plein de versets à ce sujet. 1 Corinthiens 10, Romains 12, 16. Mais moi, j'ai une petite inclinaison pour Philippiens 2, 2. Je vous le lis. Hein? Philippiens 2, 2. Mettez le comble à ma joie, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Si ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, ça ne se fait pas tout seul. Ça n'arrivera pas comme ça, tout seul. Et si on ne fait que se croiser de temps en temps, il faut y mettre le temps et l'énergie nécessaires. Et ça va en prendre beaucoup. Ça va en prendre beaucoup. Il va falloir vivre ensemble pour ça. Et c'est une chose impossible si je ne me mets pas au service du Seigneur à travers son Église. Pas juste l'Église universelle, son Église locale, là où il m'a placé. Et je dois y persévérer. Et je dois y persévérer. Et pas butiner d'une église locale à l'autre. Acte 13, c'est le premier voyage missionnaire. Antioche. Toutes sortes de dons qui sont énumérés. Dans l'église d'Antioche, des dons que le Seigneur a fait à l'église. Ils sont ensemble, ils jeûnent et ils prient. Et qu'est-ce qui arrive? L'Esprit, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai à leur confier. » Bon, je paraphrase, là, je suis certain que je l'ai écorché pas mal, mais je pense que le principe est là. Et l'Église est d'accord, ils vont prier, leur imposer les mains, les laisser aller. Personne ici a fait à sa tête. Personne ici est parti sur une vision en solitaire. Un autre bon exemple, ce qu'on appelle l'institution des diacres. L'Église est naissante, il y a déjà des milliers de personnes, on parle de l'Église de Jérusalem, et il arrive un problème technique qui pose une menace spirituelle, qui est une menace de désunion pour l'Église, problème technique de distribution de nourriture. Les apôtres ne suffisent plus à la tâche. Et certains s'en sentent négligés. Et comment est-ce que la chose se résout? Ça se fait dans l'unité, par l'action du Saint-Esprit. Et à la fin, la menace est écartée. Et on prend soin des veuves qui étaient négligées. Et la parole de Dieu n'est pas négligée, les apôtres peuvent s'y consacrer. Seigneur a amené cet homme plein de sagesse et d'Esprit Saint, de qui on rend un bon témoignage, à prendre en charge cette tâche technique qui, en réalité, est tout à fait, tout aussi spirituelle que de prêcher la parole. Un autre bel exemple de comment les choses se passent, mais il faut vivre ensemble pour connaître ce genre de dénouement. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut collectivement se laisser diriger par cette nuée-là aujourd'hui? Ben moi, personnellement, c'est en me soumettant aux divers dons que Dieu fait à l'Église. Je ne les ai pas tous. Je n'ai pas toute la sagesse. Et l'exemple de Moïse ici, c'est intéressant, hein? Dans Nombre 9, le passage se termine. Il dit « Observez le commandement de l'Éternel, selon l'ordre que l'Éternel donnait à Moïse. » Autrement dit, par l'intermédiaire de Moïse. C'est pas clair exactement comment ça se passait, mais le départ, en passant, il est plus complexe. Celui qui va me suivre la semaine prochaine va pouvoir y revenir. Il y a aussi des trompettes qui doivent intervenir dans le départ. C'est pas seulement que la nuée qui s'élève, il y a aussi des trompettes qui doivent sonner, indiquer le départ. Il y a même des corps d'armée qui ont leur propre... Comment on dit ça? Leur propre... leur propre son, leur propre... Oui, il y a un terme technique, là, puis bon, les termes ne me viennent pas un matin. Puis Moïse, on le voit un peu plus loin dans le morceau d'après, Moïse, encore une fois, est appelé à jouer un rôle d'intermédiaire. Moïse, le médiateur de l'Alliance, Dieu a vraiment voulu l'imbriquer partout dans les instructions qu'il donne au peuple. Mais la jalousie des autres n'est jamais bien loin. Il va se manifester à plusieurs reprises. Plusieurs reprises, non seulement le peuple de façon indéfinie, mais il va aussi avoir la révolte de Corée, 250 hommes parmi les chefs du peuple, terrible, avec beaucoup de morts à la fin. Il va avoir une sorte de révolte aussi d'Aaron et de Myriam. Pas facile de se soumettre à quelqu'un quand bien même ce serait Moïse, qui pourtant n'est qu'un homme de la même nature que nous. Et pourtant, Dieu va se servir de frères et sœurs dans notre vie. OK. Est-ce qu'on a... est-ce que nous, ensemble, on cherche avec ferveur la direction de Dieu? Je donne juste un champ d'application là, qui est actuel. On a ce qu'on appelle le projet Cameroun. Est-ce qu'on connaît toutes les étapes qui nous attendent? Comment on va agir? Va-t-on bouger quand on va discerner l'ordre? Va-t-on bouger d'un seul cœur? Toutes des questions à se poser. Et c'est qu'un exemple, parce qu'il n'y a pas que ce projet-là. Mais c'est un exemple, si vous en cherchiez. C'est bon, moi je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse avec ça. Je ne sais pas trop combien de temps a passé. Ça me fait un peu peur. J'ai perdu le...